distingue quatre panneaux dans cette situation. Un panneau signalant une piste obligatoire pour les cyclistes, un panneau de stationnement interdit, un panneau indiquant un sens unique, et enfin un panneau précisant que les usagers entrent dans une zone de rencontre, c'est-à-dire une zone où se côtoient piétons, cyclistes, automobilistes, et dans laquelle les piétons bénéficient de la priorité sur les véhicules dont la vitesse est limitée à 20 km/h. Réponse A et C.